boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. On m'a dit il n'y a pas très longtemps que le Billy Corgan ne savait plus faire de rock. Eh bien, la preuve du contraire, avec In Ashes, première partie de Color of Love qu'on vient d'écouter, et tout de suite on enfile In Ashes, troisième partie, issue de Seer, sortie en 2020, qu'on écoute sans attendre, Anno Satana. Where the sound won't pass. Les Smashing Pumpkins reviennent donc vite, puisque courant octobre, nous découvrirons le gourmand Atom, nouvel album qui contient pas plus pas moins de 33 titres, dont Big Lead. Like you are. Le prolifique Billy Corgan et les Smashing bientôt de retour dans Pop and Rock sur la trail locale RVR. Mais pour le moment, si on se faisait un petit classique. Mélancolie des Stereophonics alliée à la puissance rock douce des Supergrass, pas de doute, vous êtes bien dans Pop and Rock comme tous les lundis entre 17h et 18h sur RVR. Stereophonics, donc accompagné des Supergrass, c'était un cadeau juste pour vous. Petite parenthèse douce amère avant que Pop'n Rock vous propulse dans le dernier album des Pixies qui vient de sortir. Premier titre des Pixies pour ce soir. Concernant les Pixies et malgré la notoriété de leur titre Where Is My Mind, leur carrière est tout sauf un long fleuve tranquille. Querelle d'ego, split, reformation, arrivée de nouveaux membres et changement incessant de la bassiste. Malgré tout, 2022 marque le retour des enfants de Usher Du, parents de Nirvana. Bounce. Je dois bien l'avouer, les Pixies restent pour moi un groupe que je ne maîtrise pas. J'ai appris il y a peu que les Bostoniens étaient menés par le très croyant Black Francis, qui trouvait ses inspirations dans un monde qui m'est tellement étrange. Pourtant, si leurs textes sont souvent dramatiques, voire mystiques, il reste un ensemble tellement rock que je vous propose Vault of Heaven, troisième extrait du soir de Jogger Well, nouvel album des Pixies. les trois titres que je viens de vous proposer du dernier album des Pixies ne vous ont toujours pas convaincu, et si vous vous emmerdez prodigieusement avec le Where Is My Mind, eh bien dans Pop and Rock, nous, on adore un morceau live chanté par les Pixies, Got Your Way. Si le rock a de fortes racines américaines, comme le prouvent tous les jours les Pixies, mais aussi des Britanniques, la France ne donne pas sa part aux chiens, notamment grâce au parigo de Animal Triste que j'attends impatiemment de voir en live. Will you aimez les artistes que nous passons tous les lundis entre 17h et 18h dans Pop and Rock, les petits enfants du rock, retrouvez-nous sur la page Facebook Pop and Rock, les petits enfants du rock. Bauhaus, ça vous parle ? Pas sûr si vous avez moins de 40 piges. Groupe emblématique de la scène anglaise des années 80, notamment avec Spy in the Cab, que je n'ai découvert que ces dernières années. Profitez, c'est un oldies but goldies. Drive by time. Pop & Rock adore vous envoyer des groupes que vous ne risquez de ne plus jamais entendre, comme ce sera peut-être le cas des Black Midi que nous avions envoyés dans le Pop & Rock 189. Trois numéros plus tard, revoilà le cours Hellfire des Black Midi. There's always something. I don't twitch, hearing loss, a ringing noise, new flesh, a new bump, a weightlessness, a headache, a sore limb, an itchy gash, a mirage, a tumor, a scare. And when one is fixed, another breaks. When some destroyed, more await. When it is time, no one comes. When you have time, it is up. And even from without, there is nothing you will find. Running at full speed without a dent, factory shine, always slightly out of time. Always, always dust. Always, always, always no such thing as luck. Only chance and rot. Inevitable loss. Running low. Almost empty. Almost always gone. Going, going, gone. Each day quicker, each day gone. Lost. The less useless, that's that, no more. Meet me at the door, it's open, come in, wash away the sin. No more lazy sloth, this sand pig has had enough. No nail grows yet, all toes now green. Both eyes blank screens, eyeballs opaque, robot ear gone. Bringing silence back again, made a tick, tick, a shiver, a lip, gips, a stiffness, a tick, glimmer, limp, useless, prick! Gone, no need, when stiff, useless, when needed, limp. Rid me of the hideous thing, gets it right in the classroom, but wrong in the examination hall. One use is that, damn it all, useless thing. All machines designed after it, all worse, none better, i.e. all shit. None work forever, none work a minute, worse with every use. Always chasing the first, always chasing the free, always chasing decency. Never adequate enough. Enough, enough. Come in, come in. Thank you. Attention, grand écart musical, vos oreilles risquent de saigner. Les potes de Soft Cell qui en 82 chantaient Living and Not Selling, Blancmange qui mourra avec les années 80, même si paraît-il ils renaissent en 2006 sans laisser beaucoup de traces. En 2022, Blancmange, ça donne donc un nouvel album, Private View, toujours aussi électronique mais tellement moins enivrant. Mais trêve de nostalgie, non, toujours pas la station, trêve de nostalgie donc et replongeons-nous donc dans le 21e siècle. Et ouais, Bob Mould allie nostalgie et modernité et je parie qu'il saura encore remuer nos ménages pendant longtemps. Mais en attendant, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous. Reste encore à peu près 2 minutes, on va se faire un petit bout d'un dernier Bob Mould. Allez, bis à tous. Watch me fly, like a river.